Des prisonniers congelés, Dennis Rodman en caoutchouc, trois coquillages. Cette semaine, on a maté Demolition Man et on en parle tout de suite. Alors, McFlap, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Demolition Man de Marco Brambilla. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg, bonsoir. Bonsoir. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Merci. Et un invité exceptionnel cette semaine, on n'a même pas réfléchi comment te présenter. Ben voilà, tu te débrouilles maintenant. Tanguy Blum avec nous ce soir, bonsoir Tanguy. Ouais. Bonsoir. T'aurais dû me dire qu'on avait invité, j'aurais eu ma cravate. C'est pas ce pull vert. Ce pull de Saint-Étienne. Cette semaine, nous sommes réunis pour parler de Demolition Man de Marco Brambilla, sorti en 1993, de 115 minutes, avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. À la fin d'un siècle ravagé par la violence, une société d'ordre parfait verra le jour. Les criminels seront congelés et reprogrammés dans des prisons cryogéniques. Toute agression ou tout comportement déviant sera éliminé. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps, c'était le pire des tueurs. Je vais m'éclater, je vais tout bousiller. Mais en l'an 2032... Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique. Et nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette situation. Voilà, voilà, 115 minutes pour voir qu'ils ne sont pas en mesure de faire face à la situation que Simon Phoenix... est-ce que vous avez aimé, messieurs, Demolition Man? Je vais commencer par Greg. T'as l'air hyper chaud là. Non, c'est pas que je suis chaud, mais bizarrement, en fait, j'ai passé un bon moment. Effectivement, fait. C'est bizarre. Que... Non, mais c'est bizarre, mais en fait, c'était tellement nul. Il y a tellement tous les clichés et tout que, en fait, j'étais mort de rire. J'ai compté, j'ai rigolé au moins plus de 10 fois, quoi. Donc, je peux pas dire que c'était nul, quoi. En fait, c'est ça. Bah moi déjà c'est beau quand tu fais des compliments. c'est la première fois en deux ans, c'est parce qu'il y a un invité, c'est pour ça que ouais c'est vrai j'ai posé le bras, c'était de la merde en fait. Nickel. Bah écoute, moi déjà je suis content de pas avoir eu de problème avec la bibliothèque. En même temps, j'avais anticipé, j'avais demandé Judge Dredd, ils m'ont donné Demolition Man. En mieux par contre. C'est exactement les films. Ouais. Oui, en un peu mieux, c'est un peu plus drôle. Après moi j'aime bien les films d'auteur en général, donc du coup bah, voilà. Et mais ceci, j'ai quand même préféré le bouquin. C'est quoi bouquin? Non, le bouquin. Le bouquin, d'accord. Le bouquin. Ouais, c'est un film bouquin. T'as pas l'habitude, mais. Ah bah, lis-le. L'habitude, mais Mickaël dit beaucoup, beaucoup de conneries. Il faut pas revenir sur tout ce qu'il va dire. Et toi, Tanguy? Il faut savoir que c'est toi qui as choisi ce film. C'est moi qui ai choisi ce film. Moi, j'ai adoré ce film, en fait, la première fois que je l'ai vu, où je devais avoir, je sais pas, 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et là, j'ai trouvé que c'était une sombre merde. Je suis né en 72, ouais. Mais ça se voit. Non, je suis né en 83. Et je l'ai vu. Il paraît super jeune. Je suis né en 83, je l'ai vu quand j'étais ado, quoi. Je sais plus quel âge j'avais bien aimé. Et là, j'ai trouvé que c'est une sombre merde. Ah oui? Ouais. Oh bah, je te trouve dur, dis donc. Non, il y a quelques scènes hyper drôles. Stallone est au top. En fait, le personnage de Stallone est exceptionnel. Mais le reste, en fait, ça m'a mis face à une réalité que je voulais pas affronter depuis longtemps. Je pense que je déteste Wesley Snipes. Pourtant, il est bien dans son rôle de Mario Balotelli. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut éclaircir tout de suite, c'est que moi, on m'a dit qu'il y avait une grosse, grosse part de second degré, et à ce moment-là, je me dis que c'est encore moins nul que alors, ce que je pense. Alors, on va aborder ce point. Mais pas non, mais attends, c'est vrai que si tu le regardes, enfin, le, y a mais moi, j'ai pas donné mon avis, déjà, hein. Alors, vous en foutez. Alors, moi, je l'ai vu à peu près 450 fois petit. Bah, ça m'étonne pas, on voit comment ça t'a formé, ça te t'avais ton, pyjama. Non, j'adorais vraiment, putain, mais j'adorais ce, tu vois. C'est l'époque où tu portais ton pyjama Spider-Man, qui était ta taille à l'époque. Je le mettais même pour aller à l'école, ouais. Vraiment, je le quittais pas. Je l'ai revu hier soir, et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, enfin, tu vois, c'est aussi parce que ça me ramenait plein de souvenirs. mais je trouve qu'il est vachement intelligent, ce film. Et je vais revenir point par point sur l'intelligence de ce film. Ah oui, bah, non, mais bon, exagère pas. Il y a des trucs plus, super drôles. Enfin, il y a des trucs hyper bien pensés, même dans cette société futuriste. Et je trouve qu'il y a plein d'idées. Ah bah, on reviendra à la fin sur la morale, parce que moi, je la trouve très, très juste. La morale est limite, ouais, je suis d'accord. Mais elle est délire. J'avoue qu'elle est bien. Qui résume l'histoire de ce film? Complexe, l'histoire. Bah, Tanguy. Allez, go, j'y vais. Alors, en gros, pour faire simple, il y a deux meilleurs ennemis, un flic qui est joué par Stallone. Ouais. Ouais. Et une. Un flic plus quand même. C'est un flic plus plus, ouais. Il s'appelle Demolition Man. C'est comme ça qu'on le surnomme par la police de Los Angeles parce que c'est un mec qui a l'habitude de tout faire péter partout où il passe. Ouais, c'est une... Ah, je sais pas dans le détail, ouais. J'interromps ce résumé pour un mini quiz. Quel est le titre québécois, messieurs, de ce film? Ah, bah, l'homme démolition, j'imagine. Demolition Man, c'est le démolitionneur. Le destructeur. Ouais, ça lui va bien. Donc, en gros, il y a Sylvester Stallone qui est le destructeur. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un flic de Los Angeles qui pète tout, tout le temps, partout, qui fait pas dans le détail. Et qui est opposé à Simon Phoenix, Dennis Rodman, donc. Ouais. Le AK de Dennis Rodman, joué par Wesley Snipes, qui est un méchant, super méchant, et fort en kung-fu. On peut dire ça. Ouais, c'est vrai fort qu'il en kung-fu. Mais de pied de l'enfer. Mais hein. Il est vraiment super méchant. Enfin, c'est le personnage du Joker, quand même. Vous l'avez vu? Tu dis ça à cause de son pantalon, en fait. Ouais. Hein. Il est habillé comme dans les Batman Forever, là. Je pense en fait, je pense qu'il descendait les poubelles, parce que c'est son pyjama, j'imagine. Et du coup, suite à une bavure qu'on va pas révéler, quand même, parce qu'elle est, une tension dramatique qui démarche de ça. Suite à une bavure, il arrête quand même, Stallone arrête Wesley Snipes, donc qui s'appelle Simon Phoenix. Les deux sont cryogénisés, parce que Stallone a fait une bavure et parce que l'autre est méchant. Dans une société futuriste très bien pensée, selon toi, pensée de manière plutôt chelou, selon moi. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon système. Le méchant, donc Simon Phoenix, est réanimé. Et comme il fout le bordel, on réanime Stallone, le destructeur, pour le détruire. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà t'es meilleur en résumé que moi, dis donc. Ah ouais, c'est bizarre. Il y a juste Sandra Bullock, qui veut évoquer Sandra Bullock. Ouais, qui est là et qui est une flic de base de la société futuriste, donc qui est une flic assez gentille, parce que tout le monde est gentil dans cette société, qui tombe amoureuse de la virilité totale de Stallone. Bah, elle est pas la seule, hein. Moi, j'étais tout excité dans mon pyjama Spider-Man. En fait, moi, je comprends pas dès le début pourquoi on cryogénise les Manos, là. Pourquoi faire, en fait? Parce que c'est comme s'ils n'avaient pas de prison. Aucun. D'accord. Bah, ouais, ils sortent, ils sont méga en forme. Ils perdent pas de muscle. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que le mec arrive, fait une bavure, on dit très bien, tu vas être cryogénisé pendant 70 ans, ok? Alors que ça se passe en 96, quand même, le truc. Ah oui, c'est vrai. Alors, il faut qu'on rentre dans le film, il faut qu'on rentre dans le cœur du film. Allons-y. Alors, on est en 1996. Alors le film, il sort en 93. Donc il y a vraiment pris de l'avance. Hein, on a pris de l'avance. Ça va super vite. Hein, tu vois, Retour à le futur, ils ont projeté un futur dans 30 ans. Tu vois, là c'est dans 3 ans. Et Hollywood est en feu. Mais littéralement, puisque les lettres d'Hollywood flambent. C'est clairement un film politique. Oui, déjà, c'est engagé. C'est-à-dire que t'as un mec qui vient arroser, tu vois, au napalm, les lettres d'Hollywood tout le temps pour que ce soit tout le temps en feu. Quoi. Non, mais tu sais, en vrai, ça brûle. Et boum, c'est un combustible, ça s'arrête. Ouais. Donc chaos total dans Los Angeles. Bah, chaos total à cause de Phoenix, parce qu'on sait même pas ce qu'il fait, en fait, d'ailleurs, on s'en fout un peu, en tout cas, il fout de la merde. Quoi. Ouais, il est méchant, quoi. Il est méchant. Ouais, il est cool. Bah, je crois que, il prend en otage un bus, c'est ça? Ouais. Il me semble qu'il faut pas descendre en dessous de 50 miles, sinon il explose. Ouais. Et, donc il prend en otage 30 personnes. C'est déjà Sandra Bullock qui conduit. Déjà. Il y a un lièvre, là, il y a un truc à creuser. Ouais. D'ailleurs, elle a joué dans Speed, pour la petite anecdote, elle a joué dans Speed un an après, en fait. C'est là qu'elle a vraiment explosé, c'est avec Speed. Pourquoi vous me regardez? Non, je sais pas ce qui t'arrive, Michael. T'as changé, mec. Là, je remplace Julie un petit peu. Ouais. Donc, quand c'est le Dawa Total, évidemment, dans cette société de chaos, on envoie qui? Bah, un seul mec, tout seul, par hélicoptère. Il s'appelle, John Spartan. Ouais. D'ailleurs, il prend tous les risques. C'est-à-dire que quand t'as 15 000 manos avec des mitraillettes en bas, c'est-à-dire descendre avec un élastique depuis un hélicoptère, c'est quand même ultra risqué parce que t'es ultra vulnérable. C'est même pas un câble. Il se dit, ouais, je vais quand même faire un petit peu le truc de l'élastique et hop, m'arrêter un centimètre avant le sol, quoi. Ce qui m'a bien fait marrer, c'est quand il saute avec un élastique, il a rebondi, puis ça a retourné dans l'hélico. Et en plus, quand il saute, il gueule, il fait. Donc déjà, tu dis, ok, c'est du second degré. Bah, c'est de la virilité, mec. C'est peut-être de la virilité. Bien sûr. Vous trouvez qu'il est viril? D'ailleurs, non mais attends, le personnage de Wesley Snipes, c'est pas très viril. Par rapport à Stallone, c'est même l'anti-virilité. Oh. Bah quand on porte ça, quand ouais, tu vois ce que je veux dire, quand on porte frotterait pas quoi. Tout ça parce qu'il a une couleur, c'est ça que tu parce veux dire. Qu'il y a une couleur. Non, mais il a une espèce de coupe en brosse. Moi, je suis d'accord avec Tanguy, quand on porte un chasuble avec une salopette, on n'est pas forcément viril, quoi. Voilà. Bah de toute façon, il va se faire viriliter la gueule parce que l'autre Stallone, il arrive, il désingue tous ses sous-fifres. Ouais. Et ça, c'est comme pareil dans tous les films d'action, t'as toujours le grand chef des méchants et il a toujours de la chair à canon, quoi. Genre le Joker, c'est Soufif, mais il recrute comment ces mecs-là? Ah, mais il a commencé Soufif, tu sais, il a. Ouais, il monte, tu montes les échelons, ouais. Ah bah, là, on sait pas comment il est devenu méchant, ça, je trouve. Il faudrait faire un préquel, ouais. Phoenix. Ouais. Je pense que le monde en a besoin. Il y a beaucoup de zones d'ombre à éclaircir sur ce personnage. Non, bah justement, en fait, moi, j'ai regardé le film avec un ami qui m'a dit que, en fait, il recrutait probablement ses man chez Jamiroquai parce qu'ils sont tous sapés. Ils sont tous sapés un peu, acid jazz, tu sais. Donc là il y a une scène de baston où en fait Jean-Claude Van Damme. Tu peux dire Steven Seagal. Schwarzenegger. Exactement, ils étaient tous les deux pressentis pour le rôle, vous l'aviez vu aussi. Steven Seagal devait faire Wesley Snipes. Ah non, il devait faire le gentil Stallone et Jean-Claude Van Damme devait jouer Wesley Snipes. Et Jackie Chan aussi j'ai lu. Quoi? Ouais. Et Thierry Lhermitte, il me semble. Jackie Chan dans le rôle de Sandra Bullock. Et là, ils arrivent. C'est hyper intelligent ce qu'il fait, là, Dennis Rodman. C'est qu'il a mis de l'essence partout par terre. Ouais. Et donc, Stallone, virilité. Donc, lui, il réfléchit pas. Surtout, il a pas de pif. Hein, tu vois, il y a de l'essence par terre. Je pense qu'il sent déjà, pas. Tu tombes dans les pommes. Il fait la mimique du mec emmerdé. Je peux pas vous la faire, là, mais il fait, oh là là, zut, je suis bien embêté. Il y a de l'essence par terre. Non, mais il se rend compte quand il est au milieu de 15 mètres carrés d'essence. Mais tu sais, déjà, s'il y a de l'essence deux étages en dessous, tu le sens. Quand même. Attends, juste avant ça, il y a le meilleur plan du film où tu vois le couteau de Phoenix qui a une énorme tête de mort avec un paquet de Marlboro à côté. Ouais, petit placement en plus, quoi. Il y a eu du placement dans ce film. Non, un peu. Moi, je m'attends vraiment à la big explosion. C'est-à-dire que Stallone est. Ah, ouais, bah là, tu vas l'avoir la big explosion. Et l'autre, il est là, il joue avec la clope, avec le chalumeau et tout. Et au bout d'un moment, tu te dis bon bah ça y est, il va le faire péter. Il fait péter. Et là, ça fait deux flammes toutes pourries, quoi. Alors que logiquement, ça devrait juste faire exploser tout, quoi. Ça fait une flamme pourrie, mais qui lui brûle juste la main où il avait le flingue. En fait, c'est vachement contrôlé quand même. Hein, par le... Et ensuite, après, tu te dis bah ça flambe tout de suite. Non, c'est certaines zones. Oui, ça fait parce des qu'ils peuvent quand même un peu se battre au-dessus de ce truc-là. Non, mais c'est-à-dire que ça commence à s'enflammer et lui il fait ouh zut, ça s'enflamme, je saute. Et voilà quoi. C'est tout. Fin du truc. C'est vrai que c'est un peu facile. Donc ensuite après bon. On n'est pas déçu parce qu'après il y a vraiment explosion 2000. C'est putain le hangar il était vraiment. Il était chargé d'explosifs. Et malheureusement à l'intérieur de son hangar il y avait des corps d'innocents. Et alors la justice otages. En 1996 elle est ça vraiment pas sympa. Il y a pas trop d'enquête non plus. Non. C'est Stallone c'est ta faute. Voilà. fallait pas y aller. C'est vrai que c'est un peu sévère. 70 ans il a pris je crois. 70 ans hein, c'est ça. Il a pris 70 ans. Ouais. 70 ans ouais c'est quand même sévère pour pas avoir sauvé 30 otages en fait. Bon, enfin 70 ans. Il les a tués. Glace, il les a tués parce qu'il est. C'est à cause de lui en fait. Pourquoi c'est à cause de lui? C'est à cause de Phoenix. Ouais c'est à cause de Phoenix. Mais on dit ouais c'est t'as cherché franchement. Non il mérite. Moi je dis ouais, on éclaircit ça, c'est de la faute à qui? T'as pas parlé du béret, il a un béret Stallone. Ouais. Ah oui, il a un béret, Béret qui est important parce qu'il va le remettre à la fin du film. Et qu'il le remettra dans Expendables aussi. Ouais, exactement. Oui, on retrouve Wesley Snipes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est ses origines basses que ça, je pense. Voilà, ouais. Donc ensuite, évidemment, alors là, c'est la cryogénisation, c'est la prison du futur, c'est la congélation par la Bible. Quelqu'un a quelque chose à dire, moi j'ai trouvé ça bien. Hein, mais en fait, moi c'est un truc que je comprends pas, c'est déjà, du coup tu subis pas ta peine puisque tu travailles 70 ans après en pleine forme, au final. Si, parce qu'apparemment après il dit bah après, j'ai pensé pendant. Ah oui, il a fait un cauchemar pendant 40 ans. Ouais. Pas trop pensé non plus, Stallone. C'est bon, surtout ça coûte cher aux contribuables, hein, parce que faut quand même, ça bouffe de l'énergie ces trucs là. Hein. Quand même. Ah, ça coûte une montagne, fric. Ah bah oui. oui. Et puis moi, ce que je comprends pas, c'est que du coup, il pourrait quand même les redonner à la famille, tu vois, cryogéniser. Dans le salon. Surtout, je comprends pas l'intérêt de les cryogéniser. Ça veut dire que tu les relâches 70 ans plus tard. Mais surtout, bah, en même temps. Même état, jeune, violent, enfin, tu vois. Bah, c'est vrai, c'est ça. Strictement en 15 ans. Si, ils sont quand même lavés. Ils doivent être reprogrammés. Ouais, ils sont reprogrammés. Ouais. Parce que lui, il apprend à tricoter. D'ailleurs, je trouve ça, j'ai trouvé ça plutôt drôle. C'est drôle, j'ai rigolé. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très drôle. C'est une super idée. Non, mais c'est vrai que c'est complètement débile de glacer. Je vais dire glacer parce que j'arrive pas à dire cryogéniser. Et ils glacent deux gars en même temps et ils vont les faire ressortir en même temps. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va se passer? Non mais ça c'était pas prévu. Encore. Non, attention. Je vais expliquer un bail scénaristique que vous n'avez pas expliqué volontairement, je pense, car vous n'avez pas aimé. Wesley Snipes, il est censé être congélifié, qui n'existe pas, comme verre, censé être congélifié à perpétuité, ce qui n'a aucun sens. Non mais c'est vrai, c'est ça, c'est écrit life sentence. Bah comment, puisqu'il ne peut pas mourir dans ce putain de glaçon. Et l'autre, le pognon, ça coûte en plus pour congélifier. Bah, un gars. Il mise sur une coupure de courant un jour qui fait que le Manos va mourir dans son glaçon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre, il est censé sortir au bout de 70 ans, mais pour des raisons mystérieuses qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est que Wesley Snipes, il sort pour de mauvaises raisons. Ensuite, le générique le plus homo-érotique que j'ai vu depuis très longtemps. C'était encore depuis plus Batman sensuel. Forever, non? Ouais, c'était encore plus sensuel que la scène de volet dans Top Gun. non, mais là, on a des plans de Vandame, de Stallone. Petit Vandame, en gros plan, ouais, c'est pareil. Je te mettrai un prompteur pour pas que tu oublies. J'ai trouvé ça assez beau. Ah, moi déjà j'ai commencé avec la télé dès le générique, en fait c'était mes premiers éclats de rire, quoi, genre, tu vois, quand c'était écrit Demolition Man. J'étais mort de rire. Ah oui, mais non, mais il est trop bien cet effet. Ah ouais, c'est du word art. C'est du word art. Bah moi, si quelqu'un fait un PowerPoint pour mon mariage, j'aimerais bien qu'il mette ça. Je me retiens. Et ensuite, alors là, attention, ellipse temporelle, nous sommes en 2032 avec Sandra Bullock au volant de sa voiture. Téléguidé. Seul. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, en 2030, ils ont inventé le volant gonflable. Parce qu'il se gonfle, il se dégonfle. Bah, tu sais, elle peut être téléguidée, le volant, il peut bouger tout seul, il n'est pas obligé de se rétracter comme un. Ouais, gonflable à ordonnance vocale. Oui, automatique. C'est ça. Ouais, voilà. Il se dégonfle et sinon, il faut même pas qu'il se dégonfle alors que tu l'as en bas. Ah putain, mes doigts. ils ont, attention, c'est le futur, 2032, ils ont le téléphone télévision. Ouais, ils ont des iPads. Ils ont FaceTime. Ils avaient vu la tablette, ça, ouais. Un peu moins bien. Ça, j'avoue, c'était quand même pas mal vu, quoi. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'était bien sorti. Par contre, elles sont un peu grosses, quand même. Ouais. Un truc qu'ils ont, un truc que j'ai trouvé un peu galère, j'aimerais bien qu'on fasse un point graffiti. Merci. Alors... Je n'ai rien compris à cette histoire de graffiti. Alors, moi, je vais expliquer. C'est-à-dire que, dans cette société, enfin, il faut que j'explique la société. En gros, c'est une société parfaite où tout le monde est super gentil et personne n'aime la violence. Paix et félicité. Machin. Voilà, paix et félicité à toi. C'est le bonjour. Personne se touche, personne se frotte. Enfin, c'est vraiment. Alors que dans notre société à nous, tout le monde se frotte. Ça, c'est bien, ouais. Heureusement. Et en parallèle de cette société, t'as les rebuts de la société. Je sais plus comment ils s'appellent en VF. Les rebuts. Aussi. Rebuts. Review. Et ils habitent dans les égouts, pas si loin que ça, 2 ou 3 mètres de profondeur. En plus, on va voir qu'ils sont pas si loin. Et c'est une société un peu, je sais pas, post-apocalyptique où ils mangent du rat et voilà. Mais eux, c'est vraiment. Ça a l'air quand même d'être plus cool, hein, chez eux. Ouais, ça a l'air sympa. Le plaisir par la chair, messieurs. Ils parlent beaucoup espagnol aussi. Ouais. Allez. Là encore, hein, il y a peut-être un message. Et, c'est une politique. Et alors voilà, le point graffiti, c'est qu'en fait la société du bas, on appelait la société du bas, c'était du haut. Voilà, les hauts, c'est les riches et machin, et bas, c'est les pauvres. Ça, encore une fois, c'est très original. Ouais. On l'avait pas vu dans Judge Dredd non plus. Non, en fait, c'est exact. Il y a plein de trucs comme Judge Dredd. Hein. Et alors en bas, ils ont inventé une machine qui sort du sol et qui fait un graffiti super élaboré, mais moche, sur un mur. Alors déjà, je sais pas comment, ça doit être trop galère à faire fonctionner. Mais la société du haut, ils ont inventé un truc sur leur mur électrique qui efface instantanément le graffiti. Et du coup, à quoi ça sert? Rien. Le truc apparaît, en fait, c'est bam, il disparaît, quoi. En fait, ils font juste passer de l'encre dans des arroseurs automatiques, hein, c'est tout, hein, finalement. Parce que ça sort du sol, en fait, c'est une espèce de petit tuyau qui sort du sol et puis garrose. Comment ils font pour programmer le truc? Ouais, en bas, ils vivent comme des clochards, en fait, ils ont 3 couvertures. Ils ont des machines ultra élaborées qui projettent de l'encre où t'as genre 5 ou 6 couleurs. C'est un énorme truc. Bizarre. Bah. On doit pouvoir trouver une explication. Bah, surtout qu'en fait, c'est vraiment inversement inversement proportionnel. C'est ça que tu veux dire, peut-être. Autant passer pour fabriquer cette foutue machine, quoi, parce que genre il faut peut-être 9 heures pour la calibrer et puis ça disparaît en une seconde, donc voilà, vie parfaite. Le comico, il y a Sandra Bullock et d'autres flics qui sont vraiment des bras cassés dans tous les sens. Et ouais, ils savent plus rien faire, les pauvres. Et Sandra Bullock, elle aime l'action, quoi, hein. Elle a exactement le même personnage. Elle est fan des années 90 dans Spin, en fait. Et d'ailleurs, l'imposteur de l'arme fatale, celle qui a dû l'accrocher, je pense. Ouais. L'imposteur des Red Hot Chili Peppers. Oui, alors ça, tiens, petite incohérence, parce que la musique a disparu dans cette société, les gens n'écoutent plus que des publicités, il n'y a que les Red Hot qui ont survécu. Il y a un autre groupe qui s'appelle, je sais plus, Bomb, je crois. Ah ouais? J'ai regardé sur internet, c'est un espèce de semi-groupe de grunge un peu chelou. Elle a un poster aussi dans son pot. Ah ok, d'accord, j'avais pas vu. Attends, elle a des références aux années 90, elle a des posters et tout, et en plein milieu, elle a un camion de pompiers, genre c'est un jouet. Progression totale. Mais attends, elle a 4 ans, quoi. Parce que le feu n'existe plus, imagine, en 2030. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais son bureau, il est en plein milieu du commissariat. Tu sais, ils ont genre un grand open space avec, tu vois, la salle centrale, et son bureau, il donne directement là-dessus, et il est immense. Il est méga grand, elle a un sabre de ouf aussi. Pourquoi il y a que elle qui a ça? Mais surtout qu'ils sont quand même à plein dans ce comico, à rien foutre, quoi, en fait. C'est ça qui est assez marrant, quoi. C'est très grand, il y a plein de gens, il n'y a pas de délabrement. Ils ont, c'est rien, génial, quoi, ça va. Mais trop bien, cette société, mec. Mais c'est vrai qu'ils servent plus à rien, et puis encore c'est encore sur le dos des contribuables, hein. Mais ça, c'est une incohérence encore, parce qu'au bout d'un moment, il y a une attaque des rebuts, et là, il y a plein de monde, les mecs sont ultra violents, et juste les flics savent rien faire, alors qu'il y en a plein. Du coup, à quoi ils servaient au début, à part à rien faire, s'il y avait une menace permanente, parce qu'ils parlent de menace permanente. Moi, je comprends plus, là. Bon, bref. C'est le chapitre suivant, le chapitre que j'ai nommé Meurtre, mort, détruire. Le meilleur. Je pense que ce truc-là, tu l'entends peut-être 400 fois. Et alors là, Simon Phoenix va être décongelé. Ouais. Alors, Simon Phoenix, il faut, pour ceux qui l'ont vu en VO, il dit Simon Says. Et Simon Says, c'est Jacadi. Et donc, en fait, pendant tout le film, il dit Jacadi, machin, mais en français, ça marchait pas parce qu'il s'appelle pas Jacques Phoenix. Donc, du coup, il dit Simon Adi, ce qui n'a aucun sens. Mais en fait. Simon Adi meurt. Je le fasse ou pas? Et en fait, c'est comme s'il disait Jacadi meurt. Ouais. Ce qui est pas mieux en fait en réalité. Non, c'est vrai. Donc il va se libérer tout seul. On comprend qu'il a un peu plus de pouvoir qu'avant puisqu'il contrôle à peu près plein de choses. Ouais, il arrache l'œil du gars. Non mais ça c'est dingue. Il contrôle notamment les menottes en métal qu'il arrive à ouvrir. C'est-à-dire en une seconde. Alors on sait pas pourquoi. C'est quoi le mot de passe? Parce qu'en fait il s'ouvre pas avec une clé. Ouais, il dit on sent plus. Ouais. Il ouvre pas avec une clé. J'avais pas tilté. Non, j'avais pas tilté. Mais si, bien sûr que si. C'est cohérent. C'est un mot de passe en fait. Tout a été prévu pour. Ok, d'accord. C'est-à-dire que le pape là, le Manos qui dirige la société qui a libéré Simon Phoenix, et ben il peut pas l'introduire dans la société. Fallait que il le reprogramme et ensuite il le remet dans le process de prison. C'est trop galère quoi. Ouais, mais surtout qu'il l'aide à s'échapper alors qu'il aurait très bien pu dire vu que c'est le tout puissant, vous me le décongelez puis. vous me décongelez ça vite fait et vous me l'amenez chez moi. Non parce qu'il voulait faire ça en scred, tu vois, il voulait pas. Oui c'est vrai, il voulait faire ça en scred. Ouais c'est vrai. Il est pas obligé de le faire repasser par le processus classique de décongélation quoi. Tu veux dire au micro? Parce que je sais pas si tu peux recongeler un mec qui a été décongelé. Et alors là il y a un truc où ouverture rétinienne. Ouverture par protection rétinienne. Oui. Et ça c'est, attends, ce plan il est mortel. Petit, je trouvais ça incroyable. L'œil, là. Il arrache l'œil du gars et du coup il ouvre la porte avec. Ouais, puissant, c'est, hein. C'est vraiment mortel. Non, puissant, très puissant. Ouais. Par contre, ça doit être excessivement, excessivement énervant quand toute la journée, à chaque fois que tu passes une porte, t'entends Retina coding accepted. Retina coding. Oh merde, j'ai oublié un truc. Et là, tu refais le truc et le machin il te redit Retina. Attends, est-ce que tu es énervant comme l'ordinateur qui fait meurtre, mort, détruire. Meurtre, mort, détruire. Code 187. Meurtre, mort, détruire. Ouais, alors, c'est un peu pareil. Ouais. C'est hurler de rire. Donc, du coup, dans le commissariat, l'ordinateur il va s'allumer, il va vraiment faire chier tout le monde. Et il va hurler code 187 et tout, c'est hyper stressant. Et ce qui est trop marrant, c'est que Sandra Bullock, elle s'adresse à l'ordinateur, et tu vois, donc elle tape au clavier en s'adressant à lui. Donc qu'est-ce que tu fais là? Tu répètes ce que tu dis, comment ça se passe? Elle fait un solitaire sur en haut à droite. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est que l'ordinateur, vous allez voir, il parle comme un ordinateur, c'est-à-dire meurtre, mort, détruire, qui est identité des victimes, machin, c'est genre super super monocorde. Et à un moment, elle lui pose une question et il fait non, mais c'est bon, ça va. J'ai l'extrait audio. 7h, Hyde Quentin. 8h15, Peterson Scott. 7h30, Phoenix. Simon. 7h45, Simon Jack. Phoenix. Phoenix Simon, recherche. Je l'ai connu. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est diabolique. Accès en cours. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais connu, croyez-moi. On reviendra là-dessus, Zachary Lamb. Code Simon Phoenix. Accès code Phoenix Simon, code introuvable. Quoi? Ne me dis pas que tu as attrapé un autre virus, L7. Mais non, voyons. Vous ne comprenez donc pas, Lenina Huxley. Phoenix n'est pas codé. Il a été congelé au XXe siècle, avant qu'on ne greffe des émetteurs à tout le monde. Il avait décrété que le sud de Los Angeles était son royaume. Dans cette époque de violence, il était le pire. Alerte code 187. Alerte code 187. Comment il s'appelle le black? Zachary Lamb. Lamb. Comme un agneau. Agneau de Zachary. Donc il est black, c'est un peu. Ah, les noms sont assez cool. Mais ils s'appellent tous par prénom plus nom. Ouais. Dans cette société du futur. Qui est assez. Ils sont pressants. Ouais. Non, mais j'aime trop, tu sais. Mais tu as chopé un virus. Mais non, voyons. Mais tu en dis des âneries. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et alors, c'est hyper stressant pour essayer de faire quoi que ce soit, puisque le robot ne fait que. Enfin, le 187, ça répète. Et là, il va falloir appréhender Simon Phoenix. Et dans une cabine téléphonique, une cabine qui sert un peu à tout faire. Ouais. Et là, cette scène, elle est hyper cool avec les flics qui savent pas faire, quoi, finalement. Cette scène, c'est la pire du film pour moi. Ah bon? Ouais. La pire, tu veux dire la plus mauvaise ou? La plus mauvaise. Ah oui, d'accord. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que Wesley Snipes met un coup, déjà, il les met à deux à l'heure au ralenti, il y a un bruit de scratch. Ah oui, comme ça. Moi j'ai écrit. Il y a des espèces de vieux pull-up de Didi qui font. Donc, c'est tout le temps. horrible. Moi, j'ai écrit baston scratch, jingle musicaux d'une émission HIP-HOP des années 80. C'est exactement ça. Dès qu'il m'a ça fait... Et il y a quelqu'un d'autre qui a réutilisé ce procédé dans un film qui a... C'est pas Van Damme, c'est François Truffaut. C'est Luc Besson dans Le Cinquième Élément. Ah, il y a plein de mini-sons, genre. Il y a plein de sons à la con. Il a voulu synchroniser la musique horrible des années 90 avec de la baston. Et, et je trouve qu'il y a plein de choses qui ont été reprises dans Le Cinquième Élément de ce film, notamment la couleur orange. Du chasuble. Et les trucs très moches. Je pense que Jean-Paul Gaultier a vraiment dû s'inspirer des costumes de Wesley Snipes dans ce film. Et alors, je sais pas si t'as remarqué aussi la baston, les flics. Au-delà d'être mal entraînés, ils sont aussi très faibles. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, il va genre mettre un coup de poing à un gars, un vieux coup de pied dans le tibia à un autre gars et tout, un coup, un mort. Le mec, il se prend un coup de pied dans le tibia, oh, il tombe par terre, c'est fini, quoi. Tu vois, on est comme dans Tintin, quoi. Tu touches, c'est... tu tombes dans les pommes, chloroforme, quoi. Bah, il devait s'inspirer probablement de Tintin, je pense. Tout le monde s'inspire de Tintin. Donc du coup, Simon Phoenix, c'est quand même vraiment galère. Il va falloir réveiller quelqu'un qui soit capable de l'arrêter. Ah bah, il y en a qu'un. C'est bien. Voilà. Et oui. C'est Demolition Man. Demolition Man. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils font ah mais c'est qui? Ah, on a justement des vidéos d'archives. Et là, je sais pas si vous avez fait gaffe. Il y a un écran où on voit juste des images de Stallone en train de déboîter des gars. Et genre, tu sais, sur une vidéo, il fait, attends, j'en ai une autre, ça réduit, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre avec exactement le même scénario. Il démonte un autre mec sous un autre angle de caméra. Genre, mais qui filmait ça en 1996? Donc là, on le décongèle. Ouais. Il a le réveil rude. Hein. Il est pas content. Ouais. Oh là là. Il est pas en forme au début. Hein. Déjà, il se demande où sont passées sa femme et sa fille. Ouais, comme quoi, il est vraiment humain en fait. Hein. Mais là, t'as vu, ils lui disent où est ta femme? Il dit où est ma femme? Ils disent elle est morte. Ils sont pas complètement les couilles. Et ma fille, okay, elle est pas là. Ils sont pas les couilles. Et on lui dit mais à Simon Phoenix, il fait quoi? Simon Phoenix. J'ai trouvé ça hyper flippant. C'est pas méga fun. Non, mais c'est vrai qu'après, il est plus du tout focus sur la famille. Sa fille, elle est morte. Ils s'en foutent. Ça se trouve, en 1996, chez lui, il y avait des posters de Simon Phoenix partout. Et tout. Non, mais chérie, faut que t'arrêtes avec ce Simon. Ta gueule! Et là, moi, déjà, il fait, ouais, enfin, où est ma femme, où est ma fille? Et là, t'as le chef de la police, donc le docteur d'enfer, qui lui dit, on vous a pas décongelé pour ça. Bon, bah, c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'après, dans une société de mecs hyper faibles, il peut déglinguer tout le monde, quoi. Tu vois, il peut dire, bon, bah, voilà, c'est bon. Et puis, il pourrait même faire un putsch, en fait, quoi. Il va un peu le faire. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on est au commissariat. Attends, il se réveille. Et qu'est-ce qu'il demande? Des clopes. Un café, non? Donnez-moi une Marlboro. Ouais. C'est beau, quand même. Ah ouais. Bah, il fume la même chose que Simon Phoenix. Ah oui, oui. Encore un point commun. Si Simon il fume ça, moi je fume ça. C'est les plus fortes. Pour les bonhommes. Et ensuite, donc ils sont au commissariat, et là, mais vraiment, c'est genre, t'as l'impression que c'est 2 heures plus tard, le mec il est habillé, il a déjà un costume taillé, il est au milieu du comico, tu sais, genre il n'a pas du tout à s'adapter. Il n'a pas le béret encore. Hein. Il n'a pas encore le béret. On dit, il est où? Ah, il est aux toilettes. Ah, bah s'il doit être totalement décongelé, je trouvais ça vraiment propre. C'est-à-dire que quoi, t'as l'intérieur qui est encore un peu. Mais ça, c'est un bail classique de congélation. De la Bref. Et surtout, là, il est pas du tout en train de se dire, putain, qu'est-ce que je fous là? Enfin, tu sais, t'as pas du tout un nervous breakdown, quoi. T'as perdu ta femme, ta mère. Il se réadapte vachement vite à la société, mais tout comme Denis Rodman. Sauf avec le papier toilette. Ouais. Tout comme Denis Rodman, il arrive, bon, alors évidemment, après, t'apprends qu'il a été programmé, du coup, c'est pour ça qu'il sait servir des ordinateurs et de tout, quoi, d'ailleurs. Et qu'il est pas du tout effrayé par le monde actuel, quoi. Mais Stallone non plus, en fait, quoi. Il s'en fout, quoi. Et là. Il est pas en bon rapport avec Jean-Pierre Coff, par contre. Pourquoi? C'est qui Jean-Pierre Coff? C'est le chef de la police, là. Docteur d'enfer. Docteur d'enfer. Docteur d'enfer. Ensuite, il aime pas le surgelé, Jean-Pierre Coff, c'est connu. On passe pas dessus parce que je veux pas qu'on critique, donc je vais juste le préciser, mais c'est très drôle. On critique si on veut, excuse-moi. Non. Bah du coup je vais pas le dire comme ça tu sais même pas ce que j'allais dire. D'accord. Non le coup des justement alors les trois coquillages il y a pas de papier toilette dans cette société. Ah ouais, non, c'est un peu passé. Et là il dit une insulte et dans cette société tu reçois un petit papier car il y a des distributeurs de petits papiers sur tous les murs de cette société. Et distributeurs de contraventions. Ouais voilà et dès que tu dis un gros mot John Spartan vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage, je le connais par cœur. Et du coup il insulte la machine, il récupère plein de papiers et c'est du papier toilette, c'est très très drôle et quand j'étais petit ça me faisait beaucoup rire. Mais maintenant pas le raconter. Oui. Non, c'était franchement c'est super drôle. Bastonnade au musée des arbres. C'est vraiment trop de naturel. Ah, c'est très drôle, non? Bastonnade au musée des armes. Donc effectivement, le seul endroit où il y a des armes dans cette société, c'est pas au commissariat, c'est au musée des armes. En plus, ce qui est cool, c'est que le conservateur du musée, il a pris soin de toutes les charger. même les trucs à baïonnette, même les canons d'époque, tu sais, genre canon 1870. Ah non, mais j'ai de la poudre. Hein. Et je propose qu'on la mette dans le canon au cas où. Il y a un mini truc, c'est un point de détail, mais je trouvais ça très drôle parce que tu pouvais le faire encore dans les années 90, aujourd'hui c'est interdit. Wesley Snipes, il arrive, il y a des Chinois et il fait ching chong ching chong. C'est ce truc là. C'est bien, ouais. C'est ouais. Pas vu ça. Hurler de rire, c'est... aujourd'hui tu peux plus faire ça. Ah bah non, tu peux plus. C'est avec la CNIL et ces conneries là. Il y a que Besson qui fait encore ça. Ouais. Oui. Mais lui, il a une carte, hein. Il peut le faire. Et alors, à remarquer que en 2030, tous les gens sont habillés comme Kadhafi. Ouais, donc la grosse castagne dans le musée, hein, bon, ça va assez vite. Globalement, moi, je trouve les scènes de baston un peu chiantes entre eux là. Bon, ils se font des coups de karatéka et tout machin. Et j'ai un extrait sonore de leur retrouvaille. Ah bah c'est sympa. Les Le musée est réouvert au public. C'est plus fort que moi. Je suis un allumé du passé. Il aurait dû y rester. Oh merde, je connais cette voix là. Qui c'est? Raté, blondinet. Spartan? John Spartan? Oh, il laisse rentrer n'importe qui dans ce siècle. Qu'est-ce que tu fous ici? Simon a dit main. Tu me facilites trop la tâche, cette mission, Félix. Putain, le fusil d'espace. Ah, McFly. C'est le doubleur. Dis-moi, c'est le doubleur d'Harrison Ford aussi. Ils t'ont décongelé pour que tu coinces un faux type comme moi. Alors là, tu t'es plus PG. Ça fait 40 ans que je rêve de te tuer. Allez, bah continue de rêver. Bam. Alors, on est très déçus, car c'est pas la voix de Stallone. Oui, c'est vrai. C'est pas le doubleur de Stallone, c'est le doubleur de Harrison Ford. Ah, ça marche moins bien du coup. Et donc de Biff Tannen. Mais ça va bien au film. Génie. Ouais. Oui, c'est mais vrai, moi, là, tu vois, quand il crie, j'entendais Biff Tannen, quoi. Ah, mais toi, t'as vu Retour au futur 750 fois. Ouais, mais encore plus que ce film-là. Il y a une punchline qui est quand même vraiment pas mal. À un moment, ils se battent. Et Stallone, il récupère une télé par terre, parce que dans le musée des armes, il y a une télé, évidemment. La télé est l'arme du 21e siècle. Et il lui dit, tu passes à la télé, bam, il lui dit, tu crèves l'écran, il lui dit. Ah oui, tu crèves l'écran. Tu crèves l'écran, parce que ça est énorme. Parce qu'en ouais, en VO, il dit, you're on TV, simplement, quoi. Et bam, il lui clate le poste sur le visage. Il y a des bonnes punchlines et il y a aussi des bons effets de ciné, genre, au début, il y a un gros travelling sur sa tronche. Il y a aussi des flounettes genre gâchette œil ouais. Qui sont un peu bien utilisés quoi. Bah c'est bien, c'est propre. Ensuite on introduit le personnage, enfin il y a tous les bails avec le pape et son serviteur obèse trans habillé en geisha là. Ouais. Il y a max de référence années 90 aussi. Ouais. Où ils font des blagues sur Lucas Hulker, enfin pas années 90 du coup, sur Sauvé par le Gong, vous l'avez ou pas? Ah non, je l'ai pas vu. Non. Ça c'est peut-être c'est en VO aussi dit Saved by the Bell. En 10 minutes, ils sont inclus. Il y a Wesley Snipes qui prend une armure et qui fait, ça va Rambo, elle est belle ton armure. Sympa pour Stallone, etc. Ouais. Il parle de Schwarzy aussi. Ouais, ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est ouais. Bien, ouais. Ça, c'était bien vu aussi. Ouais. Le président. Ils disent en fait, ouais, c'est bien vu en plus. Ouais. C'est comme la tablette. Bien vu. Bravo. Enfin, bien vu, je sais pas si c'était fait exprès. Enfin, personne pouvait s'attendre à ce qu'il devienne gouverneur après, quoi. Et il est bientôt président. Je vous le dis. Donc il est invité à dîner au Pizza Hut, qui est l'unique restaurant de cette société. Super bonne idée, je trouve. Enfin, en même temps, un monde où il reste juste les Red Hot et Pizza Hut, moi ça me va en fait. Bah, moi je suis pas sûr. Hein. Moi je serais vraiment triste. Hein. Putain, je sais pas quel est le pire. Hein, moi je préfère me congeler à la vie. Hein. Je préfère te le dire. Je préfère la life sentence dans un glaçon quoi. Au Pizza Hut, ils écoutent la musique de pub du Géant Vert. Ouais. Oui c'est vrai. Parce qu'ils écoutent que les musiques de pub. Ouais. Et ensuite, c'est l'attaque des figurants de Waterworld qui viennent péter le... Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Donc là, ils débarquent, ils cassent tout et tout. Mais on se demande pourquoi ils font ça d'un coup, alors que s'ils le font tout le temps. Parce qu'ils ont la dalle. Ils ont tout le temps la dalle. Ils ont méga la dalle. Ils ont plus leur burger au rat. Franchement, ils pouvaient plus tenir. Mais ouais, mais du coup, les flics, ils savent rien faire. Bah, je suis désolé. Ils pourraient le faire tout le temps, bien vu, ouais. Ouais, mais maintenant, ils pourraient le faire tout le temps. Ouais, mais maintenant, il y a John Spartan, ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils attendent qu'il y ait Stallone qui soit là pour faire leur première acte. Voilà, et là, t'as vraiment envie de leur dire, mauvais timing, les gars. Il fallait venir il y a une semaine et c'était tranquille. J'en étais peinard. Plutôt que de taguer les murs, là. Alors, dialogue avec le pape. entre Wesley Snipes et le pape, et en gros on comprend que c'est le pape qui a fait décongeler Wesley Snipes pour qu'il ait tué surtout que Stallone regarde la il tombe sur la vidéo en fait. C'est à ce moment-là, il tombe sur la vidéo et il tombe sur la vidéo du film parce qu'en fait, ce qu'il voit, il revoit la scène et c'est un montage, tu sais, c'est monté pareil que dans le film. Oui, j'ai vu, j'ai fait putain, il est en train de regarder Demolition Man aussi. C'est exactement ça, c'est monté pareil. Et il y a la scène, c'est très drôle. Où il rentre chez avec Sandra Bullock parce que c'est quand même tu vois ils sont une belle équipe homme-femme et Sandra Bullock bah évidemment elle a la dalle hein, c'est une femme bien dit faut pas hésiter à être court hein, c'est pas parce qu'il y a ni Julie ni Barbara qu'il faut te lâcher Anton. Bah c'est bon hein. Et là elle lui demande cache pistache est-ce que tu veux faire l'amour avec moi. Il y a, comme vous le savez sans doute, cela a été prouvé, une relation entre le sexe et la violence. Il ne s'agit pas d'un effet causal, mais d'un état général d'excitation neurologique. Et après avoir observé votre comportement ce soir et le trouble que j'ai ressenti alors, je me demandais si vous voudriez faire l'amour. Avec vous. Non, non, avec une pute. Elle arrive. Maintenant. Mm-hmm. Oh, ouais. Fantastique. J'en ai pour une minute. Alors, c'est la musique d'une pub, pourquoi du coup c'est le Love Boat. Ah, bah oui, c'est vrai, exact. Ouais, mais du coup, c'est pas une musique de pub. Bah, c'est pas une musique de pub. Ah, bah, y a un putain de problème. Comment ça se fait qu'elle écoute ça alors que c'est un générique de série télé? Je crois que c'est bien la seule incohérence. Hein, c'est la seule, on a trouvé le seul point qui n'allait non, pas. Non, mais dans les seuls trucs. Parce qu'en fait, il y a un tremblement de terre à la fin des années 90, c'est ça en fait qui se passe à Los Angeles. En 2010, ouais. En 2010, voilà, en 2010. Mais les seuls trucs qui survivent, qui passent à notre tremblement de terre, c'est les Red Hot, l'arme fatale et la croisade. En 2010, hein. Et toutes les armes du musée d'armes. Et en fait, tout ce qu'il y a dans la société d'en dessous, parce que eux, ils ont l'air d'avoir tout, en fait. Parce qu'ils ont des bagnoles, qu'ils ne peuvent pas conduire. Comment ils amènent les bagnoles dans les égouts, d'ailleurs? Je comprends pas bien, là. Elles y étaient avant. En fait, je pense que la société du dessous, elle est construite par-dessus, en fait. Voilà. Ah, oui. Ils se sont pas fait chier, ils ont refait un étage. Oui, ouais, ils ont refait un petit. Moi, en tout cas, un conseil à tous les hommes un peu seuls, si jamais un jour une fille vous demande est-ce que tu veux coucher, est-ce que tu veux faire l'amour, il faut pas répondre, bah, avec qui? Mais là, maintenant! Avec qui? Ouais, du coup, après, notre ami, le basketteur, il va se réfugier dans les égouts assez vite, en fait, là. Ouais. Il a toute la troupe du cinquième élément avec lui. Il joue au poker, il a décongelé des putes, enfin, elles sortent d'où, enfin, tu vois, il est dans une salle. Il a demandé au scientologue, là, le méchant chef, le pape, de les décongeler, il a dit décongèle-moi des potes. Ouais, c'est vrai. J'ai trop envie de faire une teuf, là. Je joue au poker. Ah, il faut que je décompresse. Avec des meufs qui ont des dreads. Le Judge Dredd, il va pas tarder à descendre dans les égouts aussi. Et il a faim. Et il a faim. Et donc là, il y a la petite viande. Faut préciser que la viande est interdite, hein, en gros. Voilà. Attends, mais il descend en une minute. C'est-à-dire, c'est même pas long d'y aller, quoi. Tu vois, c'est juste en d'ouvrir un truc, quoi. C'est même plus facile que d'aller dans les catacombes. Enfin, limite, il y a certaines personnes de cette ville, dans leur cave, il y a des mannes comme ça, quoi. Tu vois, il y a même pas besoin d'aller. Ah, bah, tiens! Et moi, ça m'a fait marrer parce que tu sais, on s'attend tous à la scène du burger. Bon, évidemment, c'est pas de la viande. T'as vu des vaches, machin. Bon, on l'avait tous venu bien. Mais en fait, il y a des champs de blé pour faire du pain aussi sous terre ou comment ça se passe, quoi. C'est pas trop. Ah, ouais. Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est que, en fait, les burgers sont fabriqués par Frida Kahlo. Clairement. Et surtout, quand il prend son burger, vous avez vu, il sent l'odeur. On a après 10 minutes où il fait oh! Et après, le gars, tu vois, il a vraiment un putain de palais parce que après, il fait ah, c'est du rat, bah, tu sais, putain, ça doit avoir un goût différent du bœuf, je pense. Genre, le gars, il a cru que c'était ah, putain, c'est le meilleur burger, j'ai jamais mangé, bah, putain. En même temps, dans un Big Mac, je suis pas sûr que tu fasses la différence, hein, finalement. Justice, tu balances. Sur les dents, McDo. Bon. Alors, ce burger et cette bière, il l'échange contre une Rolex. Je pense que ça les vaut pas. Ça les vaut quand même. Et alors, que fout cette Mustang 1973 flambant neuf rouge vif en plein milieu de toutes ces carcasses? Ça aurait été marrant que ce soit une Twingo. Une super 5. Et puis là, ça recastagne, ça recastagne. Moi, c'est un peu fou là pour moi. Là. Il se passe pas mal de castagnes qui sont un peu chiantes. En plus, ça tire il fait pas noir. Mal. Ouais. En plus, il fait noir, on comprend rien. Baston, voiture, il monte sur le toit, accident, Moussarazé. Non, il fait pote avec les mecs de Waterworld aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Ça fit pas mal entre leur chef et Stallone. C'est, voilà, c'est le début de ce qu'on sent être une future révolution. Je le dis avec un point d'interrogation. Génial, vous allez voir que ça va être le cas. Ce film est génial. L'attaque finale. Attaque finale à la prison. Alors, juste avant l'attaque finale, il y a justement cette révolution, machin. Et là, Simon Phoenix, il est parti, il est open des congés de nation, quoi. Attends, je suis désolé de revenir sur ce truc-là, mais quand il prend le burger, il dit prego. Il parle en italien, c'est un vrai. Moment alors que la meuf est parlé ah, oui, oui, c'est vrai. Oui, ça n'a aucun putain de sens. Ben bah, non, mais Stallone, il est italien. Hein, Stallone. Les talons italiens, s'il te plaît. Oui, c'est vrai que c'est son premier film. Ouais, et c'est un film porno. Eh oui. Mmh. Bon, bref, que j'ai vu, bien d'ailleurs. Mauvais scénario, mais sinon, la mise en scène est pas mal. Donc, Simon Phoenix, il décongèle tout le monde. Là, ça décongèle à gogo. Ouais. Et là, il va y aller tout seul, Spartan. Il va y aller vénère. Et là, il y a ce plan qui me fait vraiment mourir de rire, qui est ultra stylé. Il arrive devant une porte fermée. Et la caméra est derrière lui. Et en fait, il passe la carte pour ouvrir la porte. Et au moment où la porte s'ouvre, il l'ouvre de dos. Avec son flingue pour être genre stylé devant la caméra. Bah c'est méga stylé mais c'est super dangereux. Il y a peut-être des mecs derrière la porte quoi. Et ce plan il est emblématique. Enfin il a son béret machin. Il est c'est ouais. Qui est sur la jaquette je crois. Mais juste ça a aucun sens d'ouvrir la porte comme ça. Ouais, ça fait un beau plan quoi. Et donc voilà il arrive. Il y a l'espèce de grue de foire du trône là. Vous savez le truc oui. Pour pécho ouais. Les trucs. Qui a alors... déjà pécho un truc. Ouais, comme ça. Il a jamais réussi à choper un nounours. Lui il arrive à choper Stallone quoi. Le truc. Ça va être super malaise. Duel, cryogénisation. Quelqu'un a des choses à dire sur cette scène qui est fantastique. C'est toute la scène de fin là. Ouais. Ah c'est une purge totale. Ouais, c'est l'enfer. C'est vrai ouais. Que c'est un peu compliqué ce truc de la grue là. Ils auraient peut-être dû. Moi j'aurais bien aimé un truc un peu plus classique à base de coups de pied. Ouais. Là c'était quand même un peu le bordel. Ouais ouais. Comme ouais. Ça. Surtout qu'on devait rester Snap parce qu'on a un mec qui maîtrise à fond le kung fu au début. Ah ils vont pas se battre. Ouais. Ils ouais, se pas trop à la fin. Ouais. Déception. Ah, c'est vraiment dommage. Ouais. Mais bah, il y a sans doute une anecdote comme quoi il s'est cassé la cheville au moment de la scène. Ouais, ou... Ah bah non, du coup on va inventer un système avec la grue alors. Et moi, j'ai... par contre, sa mort est quand même vraiment. On peut souligner qu'elle est très cool. Alors il est recongelé du coup. Hein à l'aide de la bille bleue qui congèle tout. Voilà. Et je me suis dit jusqu'où elle s'arrête de congeler parce que je me dis mais là le monde entier va être congelé. Ça se répand à l'infini ce truc. Et donc là c'est exactement comme dans Terminator 2. Exactement, c'est exactement voilà. Comme dans Terminator 2. Il se transforme en glaçon. Et tout ce qui est en glaçon casse. Ah, ça, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu congèles un truc que d'un seul coup, il va se mettre à casser comme un glaçon. Ça casse avec du sang à l'intérieur. Avec du sang congelé qui. C'est ça. C'est pas mal, ça. Et voilà, donc du coup, Wesley Snipes, il lui éclate la tête. Hein, il lui casse la tête. Mais là, il le décapite, en fait. Littéralement. Il le prévient avant, quand même. Ouais. Il dit attention à la tête. Attention à la tête. Encore une fois, une très bonne punchline, je trouve. Mais dans cette scène, il y a des énormes punchlines. Ah ouais, ouais, ça y va. C'est... Rends-toi connard et des... ça, c'est... Elle est bien, celle-là. Mais là encore, c'est... tu vois, il n'y a pas d'ailleurs, il a pas eu son petit ticket quand il a dit non, connard. C'est vrai, il y a un moment où il lâche complètement. La justice moment... lâche complètement. Ouais, il y a un moment où il dit c'est dépassé. J'ai remarqué, il y a un moment où il dit fumier, il n'a pas de ticket. Pourtant, il est dans le commissariat et il dit fumier. Et non, mais surtout qu'en fait, à un moment, ils sont emmerdés pour traduire parce qu'il dit genre nom d'une pipe et ça fait John Spartan. Il dit un truc qui n'est pas du tout un gros mot, tu sais. Et à la fin, c'est la turbo happy end, méga kiss. Elle le kiffe à bloc. Et à la fin, ça part. En échange de fluide, on peut le dire. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et lui, il a totalement tourné la page. C'est-à-dire qu'il n'est absolument plus question de sa fille, qui est encore en vie, elle, tu vois. Là, est-ce que ce serait pas Sandra Bullock, c'est fini? Mais moi, c'est ce que je me suis dit au début. Ouais, là, ça devient intéressant. Parce qu'il la galoche à fond et on sent qu'ils vont y aller, quoi. En échange de fluide. Ouais, voilà. Bon, bah. Par contre, là, du coup, la morale, il faut quand même s'interroger sur la morale. Parce que là, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, on ne veut pas d'une société parfaite, on veut plutôt d'une société. Où on conduit des grosses bagnoles et on mange de la viande. Alors il y a le héros de la rébellion, on lui a pas assez rendu hommage. J'ai noté une punchline. Ah oui, c'est vrai. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non fumeur et je veux pouvoir lire Playboy le corps recouvert de ketchup si je veux. Pas mal ça. Ouais. Ça c'est une belle morale quand même. Sachant que le dernier, j'aime à peu près tout dans sa liste, mais le dernier truc je le comprends pas. C'est sans envie, tu vois. Et à la fin il dit on va tous se brûler la gueule, on va recouvrir la ville de graffiti. Là je passe son délire de tag. On pourrait lui dire bon mec c'est bon, ça y est t'as eu ton ketchup sur ton corps. Là je lui laisse avec les graphes. Bon mec mollo quand même avec tes graffitis, ils sont un peu moches hein, là. Mais en plus c'est ça la morale, c'est non mais on n'a pas de chef. Tout le monde comme si c'était Loon, il allait diriger la société. Il fait exactement le même move que dans Judge Red. Non j'ai des contraventions. Tu sais, genre, non, mais démerdez-vous quoi. Moi, je suis une pervenche maintenant. C'est fini quoi. Bon, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Quelqu'un a un dernier mot à dire sur ce film? Bah, moi, je me suis bien marré en tout cas. Mais oui, on passe pas un mauvais moment. Vivement la suite. On attend depuis trop longtemps. Non, ça serait bien une suite en plus là. Ouais, je pense que bah. Retour de Wesley Snipes. Ouais, bah. Alors, oui, il faut que je termine par ça. Alors, je pense. Je suis pas sûr, mais le mec qui a fait ça, c'est un Italien que personne ne connaît. Et il a fait que ça. Et il a fait après, il a fait que des structures artistiques et tout. Genre, c'est un artiste. C'est genre son. C'est le réalisateur. Ouais. Sur son Wikipédia, c'est genre un artiste. Ah ouais, et il a fait ça en plein milieu. Et après, il a fait que des structures pour des musées à la con contemporains. Je suis allé voir, c'est des trucs méga chep. Ouais. Et en plein milieu, le mec fait ça. Et donc, je pense que c'est un espèce de trip ironique qu'il a dû se faire tu à lui-même. Je sais pas. Il doit y avoir un peu de ça. Oh, mais c'est possible. Ouais. Je sais pas. Bah dis-nous Michel. Bah, alors, bah toi t'es italien, tu dois le connaître, merde. Tu le connais pas. Bon, quand même pas son nom. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors, commentaire 5 étoiles, uniquement 5 étoiles. Hein. Ah ouais. Il y avait de la matière déjà. On commence par le commentaire solennel. Pardon ? T'en as combien ? J'en ai 6. Ah, ouais. Exactement. On commence par le commentaire solennel de AVP44 qui nous dit « Quel bon film, vraiment ! Quel bon film !» 5 étoiles. Ensuite, on a Orion, qui celui-là m'a fait rire parce qu'on dirait à moi qui raconte l'histoire d'un film. Il dit « Un flic du passé arrête un criminel dangereux, mais le flic en question est lui aussi arrêté. Il est réveillé dans le futur où il apprend qu'il a tout perdu. mais peut quitter sa cryo-prison à condition de réintégrer la police. » Il va vite découvrir que la police du futur. C'est pas du tout. Il va vite découvrir que la police du futur n'est pas ce qu'elle est. Amusant. Amusant par instant, car ses collègues chantent sur des pubs. Et chaotique, car les flics futuristes sont dépassés par la violence de Phoenix Simon, criminel du XXe siècle. 5 étoiles. Ensuite, on a la critique argumentée de Jbar, qui dit. Demolition Man, un flic des années 90 qui se retrouve dans les années 2030 pour attraper Phoenix. 5 étoiles. Pourquoi les mecs ils font des résumés là, c'est quoi, pourquoi on t'a demandé ton avis en fait c'est Yannick R, le scénario vaut pas deux clous. Oh, les, les scènes d'action sont cadabrantesques, mais c'est ça qui est bon. Avec un acteur de la classe de Stallone, on prend un plaisir coupable, non dissimulé, à voir notre monsieur Mus tout péter dans un monde où il n'y a plus que des petits clopettes. 5 étoiles. On a Badgils qui nous dit « Une chose est sûre, c'est autre chose que The Artist. Ça, c'est ce que j'appelle du vrai cinéma. 5 étoiles. » Et enfin, on pouvait pas commencer 2016 sans la critique de Fan de Coach. Ah, ouais. Donc à votre avis, il commence par quoi? Quel film merveilleux. Non, il commence par Demolition Man. Exactement. Demolition Man est vraiment un excellent film d'action explosif avec un scénario très original et un duel entre Stallone et Snipes les plus redoutables. Vraiment, ce film mélange à merveille action, divertissement, science-fiction et humour. Vraiment cocktail explosif qui marche à merveille. Ce film est une pure merveille, un énorme coup de cœur. De par l'action qu'il y a sur le spectacle. Non. Le grand spectacle. Et donne un sacré rythme au film. Vraiment action spectaculaire. Combat nerveux et redoutablement efficace. C'est ce que j'appelle de l'action pure. Toujours la même merde. Comme j'adore. La réalisation est géniale. À l'ancienne. Et, à l'ancienne. Et ça fonctionne bien. Le scénario est vraiment génial et original. J'ai adoré l'idée du flic et du psychopathe cryogénisé et délivré 36 ans plus tard dans un futur totalement pacifiste et délirant. Délirant. En plus, le film est rempli de surprises, de trouvailles vraiment hilarantes du futur. Et pour finir, les acteurs sont absolument géniaux et très convaincants. Sylvester Stallone, toujours en forme et parfait dans son rôle d'ancien flic aux méthodes, ancien, mais efficace. Et tout ça avec une pointe d'humour qui fait plaisir. Wesley Snipes, c'est excellent, mes gens. Ça s'arrête jamais. Et la jolie Sandra Bullock joue parfaitement son rôle. Ah bah oui. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle du grand divertissement à l'état pur. Je vous le conseille absolument. Un coup de cœur, mais aussi un véritable chef-d'œuvre. 5 étoiles. Ah, c'est la musique du film. Qui a composé la musique du film? Je sais pas. Sting. C'est Sting. Ah bon? Ah ouais, bon. Malheureusement. Ouais. Elle est horrible, cette musique. C'est pour l'enregistrer, je me suis tapé les 4 minutes, je l'ai coupé. Mais là, t'en as enregistré deux en même temps, là. En superposé, là, où? Non. Vas-y, monte un peu, que les gens entendent bien la qualité de compression sonore. Oh la vache. Ah mais elle est... c'est au moins du 58 kilobits. Il joue à la basse et tout, hein. Bref, avance. Voilà, c'était notre avis sur Demolition Man et celui de Fan de Coach. Et oui. Quant à nous, on va tirer un film au chapeau. Ah, on tire un film? Ouais. Cool. Bah Tanguy, je peux tirer ou pas? Tire un film. Il est là-dedans. Ouais. Ouais, il est là-dedans. Alors, il est dans la le sac prochaine fois. Poubelle. Voilà. Remue bien. Hein. Ah oui, c'est dans le sac poubelle. Là, c'est dans le sac poubelle. Tire un sac poubelle. Voilà. Donc il y a plein de films dedans. Et il y en a pas mal, ouais. J'en ai un. Je suis le suspense, hein. Énorme suspense, je regarde avant de le dire. Ouais. Ouf, merde. Captain Sky, le monde de demain, de Chichirous. Ouh la vache. C'est quoi ça? C'est la question que je me suis posée en lisant ça. Ah bah, à mon avis, c'est bon signe. On devrait vérifier un peu quand même avant. Ça va être un bon film. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. L'actualité. Tanguy, voilà, on peut te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On retrouve Hollywood, je prépare Demolition Man 2. Ah bah, enfin, voilà. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Parfait. Ah oui, du coup, c'est une connerie. Peut-être pas. Non, vous pouvez me retrouver nulle part pour l'instant. D'accord. Donc chez toi, mais on va pas chez dire moi, où c'est, mais... ouais. Peut-être pas donner mon adresse. Non. Sauf sur internet pour les filles peut-être. Voilà. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Captain Sky et du monde de demain. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.